partir de cette soirée, Swann comprit que le sentiment qu'Odette avait eu pour lui ne renaîtrait jamais, que ses espérances de bonheur ne se réaliseraient plus. Et les jours où, par hasard, elle avait encore été gentille et tendre avec lui, si elle avait eu quelque attention, il notait ces signes apparents et menteurs d'un léger retour vers lui, avec cette sollicitude attendrie et sceptique, cette joie désespérée de ceux qui, soignant un ami arrivé au dernier jour d'une maladie incurable, relatent comme des faits précieux « Hier, il a fait ses comptes lui-même, et c'est lui qui a relevé une erreur d'addition que nous avions faite. Il a mangé un œuf avec plaisir. S'il le digère bien, on essaiera demain d'une côtelette. » Quoi qu'il les sache dénués de signification à la veille d'une mort inévitable. Sans doute, Swann était certain que, s'il avait vécu maintenant loin d'Odette, elle aurait fini par lui devenir indifférente, de sorte qu'il aurait été content qu'elle quittât Paris pour toujours. Il aurait eu le courage de rester, mais il n'avait pas celui de partir. Il en avait eu souvent la pensée. Maintenant qu'il s'était remis à son étude sur Vermeer, il aurait eu besoin de retourner au moins quelques jours à La Haye, à Dresde, à Brunswick. Il était persuadé qu'une toilette de Diane, qui avait été achetée par le Moritzui à la vente Goldschmidt comme un Nicolas Metz, était en réalité de Vermeer. Et il aurait voulu pouvoir étudier le tableau sur place pour étayer sa conviction. Mais quitter Paris pendant qu'Odette y était, et même quand elle était absente... Car dans des lieux nouveaux où les sensations ne sont pas amorties par l'habitude, on retrempe, on ranime une douleur. C'était pour lui un projet si cruel qu'il ne se sentait capable d'y penser sans cesse que parce qu'il se savait résolu à ne l'exécuter jamais. Mais il arrivait qu'en dormant, l'intention du voyage renaissait en lui, sans qu'il se rappelât que ce voyage était impossible, et elle s'y réalisait. Un jour, il rêva qu'il partait pour un an. Penché à la portière du wagon vers un jeune homme qui, sur le quai, lui disait adieu en pleurant, Swann cherchait à le convaincre de partir avec lui. Le train s'ébranlant, l'anxiété le réveilla. Il se rappela qu'il ne partait pas, qu'il verrait Odette ce soir-là, le lendemain et presque chaque jour. Alors, encore tout ému de son rêve, il bénit les circonstances particulières qui le rendaient indépendant, grâce auxquelles il pouvait rester près d'Odette, et aussi réussir à ce qu'elle lui permit de la voir quelquefois. Et, récapitulant tous ses avantages, sa situation, sa fortune, dont elle avait souvent trop besoin pour ne pas reculer devant une rupture, ayant même, disait-on, une arrière-pensée de se faire épouser par lui, cette amitié de M. de Charluz qui, à vrai dire, ne lui avait jamais fait obtenir grand-chose d'Odette, mais lui donnait la douceur de sentir qu'elle entendait parler de lui, d'une manière flatteuse, par cet ami commun pour qui elle avait une si grande estime. Et jusqu'à son intelligence, enfin, qu'il employait tout entière à combiner chaque jour une intrigue nouvelle qui rendit sa présence sinon agréable, du moins nécessaire à Odette. Il songea à ce qu'il serait devenu si tout cela lui avait manqué. Il songea que s'il avait été, comme tant d'autres, pauvre, humble, dénué, obligé d'accepter toute besogne ou lié à des parents, à une épouse, il aurait pu être obligé de quitter Odette, que ce rêve dont l'effroi était encore si proche aurait pu être vrai. Et il se dit « On ne connaît pas son bonheur. On n'est jamais aussi malheureux qu'on croit. » Mais il compta que cette existence durait déjà depuis plusieurs années, que tout ce qu'il pouvait espérer, c'est qu'elle durât toujours, qu'il sacrifierait ses travaux, ses plaisirs, ses amis, finalement toute sa vie, à l'attente quotidienne d'un rendez-vous qui ne pouvait rien lui apporter d'heureux. Et il se demanda s'il ne se trompait pas, si ce qui avait favorisé sa liaison et en avait empêché la rupture, n'avait pas desservi sa destinée, si l'événement désirable, ce n'aurait pas été celui dont il se réjouissait tant qu'il n'eût eu lieu qu'en rêve, son départ. Il se dit qu'on ne connaît pas son malheur, qu'on n'est jamais si heureux qu'on croit. Quelquefois, il espérait qu'elle mourrait sans souffrance dans un accident, elle qui était dehors, dans les rues, sur les routes, du matin au soir. Et comme elle revenait saine et sauve, il admirait que le corps humain fût si souple et si fort, qu'il pût continuellement tenir en échec, déjouer tous les périls qui l'environnent, et que Swann trouvait innombrables depuis que son secret désir les avait supputés, et permit ainsi aux êtres de se livrer chaque jour et à peu près impunément à leur œuvre de mensonge, à la poursuite du plaisir. Et Swann sentait bien près de son cœur ce Mahomet II dont il aimait le portrait par Bellini et qui, ayant senti qu'il était devenu amoureux fou d'une de ses femmes, la poignarda afin, dit naïvement son biographe vénitien, de retrouver sa liberté d'esprit. Puis il s'indignait de ne penser ainsi qu'à soi, et les souffrances qu'il avait éprouvées lui semblaient ne mériter aucune pitié, puisque lui-même faisait si bon marché de la vie d'Odette. Ne pouvant se séparer d'elle sans retour, du moins s'il l'avait vue sans séparation, sa douleur aurait fini par s'apaiser, et peut-être son amour par s'éteindre. Et du moment qu'elle ne voulait pas quitter Paris à jamais, il eût souhaité qu'elle ne le quittât jamais. Du moins, comme il savait que la seule grande absence qu'elle faisait était tous les ans celle d'août et septembre, il avait le loisir, plusieurs mois d'avance, d'en dissoudre l'idée amère dans tout le temps à venir qu'il portait en lui par anticipation et qui, composé de jours homogènes aux jours actuels, circulait transparent et froid en son esprit, où il entretenait la tristesse, mais sans lui causer trop de vives souffrances. Mais cet avenir intérieur, ce fleuve incolore et libre, voici qu'une seule parole d'Odette venait l'atteindre jusqu'en Swann et, comme un morceau de glace, l'immobilisait, durcissait sa fluidité, le faisait geler tout entier. Et Swann s'était senti soudain rempli d'une masse énorme et infrangible qui pesait sur les parois intérieures de son être jusqu'à le faire éclater. C'est qu'Odette lui avait dit, avec un regard souriant et sournois qui l'observait, « Forcheville va faire un beau voyage à la Pentecôte. Il va en Égypte. » Et Swann avait aussitôt compris que cela signifiait « Je vais aller en Égypte à la Pentecôte avec Forcheville. » Et en effet, si, quelques jours après, Swann lui disait « Voyons, à propos de ce voyage que tu m'as dit que tu ferais avec Forcheville. » Elle répondait étourdiment « Oui, mon petit, nous partons le 19. On t'enverra une vue des pyramides. » Alors il voulait apprendre si elle était la maîtresse de Forcheville, le lui demander à elle-même. Il savait que, superstitieuse comme elle était, il y avait certains parjures qu'elle ne ferait pas, et puis la crainte qu'il avait retenue jusqu'ici d'irriter Odette en l'interrogeant, de se faire détester d'elle, n'existait plus maintenant qu'il avait perdu tout espoir d'en être jamais aimé. Un jour, il reçut une lettre anonyme qui lui disait qu'Odette avait été la maîtresse d'innombrables hommes, dont on lui citait quelques-uns, parmi lesquels Forcheville, M. de Bréauté et le peintre, de femmes, et qu'elle fréquentait les maisons de passe. Il fut tourmenté de penser qu'il y avait parmi ses amis un être capable de lui avoir adressé cette lettre, car, par certains détails, elle révélait chez celui qui l'avait écrite une connaissance familière de la vie de Swann. Il chercha qui cela pouvait être, mais il n'avait jamais eu aucun soupçon des actions inconnues des êtres, de celles qui sont sans lien visible avec leurs propos. Et quand il voulut savoir si c'était plutôt sous le caractère apparent de M. de Charlus, de M. Delhomme, de M. d'Orsan, qu'il devait situer la région inconnue où cet acte ignoble avait dû naître, comme aucun de ces hommes n'avait jamais approuvé devant lui les lettres anonymes et que tout ce qu'il lui avait dit impliquait qu'il les réprouvait, il ne vit pas de raison pour relier cette infamie plutôt à la nature de l'un que de l'autre. Celle de monsieur de Charlus était un peu d'un détraqué, mais foncièrement bonne et tendre. Celle de monsieur Delhomme, un peu sèche, mais saine et droite. Quant à monsieur d'Orsan, Swann n'avait jamais rencontré personne qui, dans les circonstances même les plus tristes, vint à lui avec une parole plus sentie, un geste plus discret et plus juste. C'était au point qu'il ne pouvait comprendre le rôle peu délicat qu'on prêtait à monsieur d'Orsan dans la liaison qu'il avait avec une femme riche, et que, chaque fois que Swann pensait à lui, il était obligé de laisser de côté cette mauvaise réputation inconciliable avec tant de témoignages certains de délicatesse. Un instant, Swann sentit que son esprit s'obscurcissait, et il pensa à autre chose pour retrouver un peu de lumière. Puis il eut le courage de revenir vers ses réflexions. Mais alors, après n'avoir pu soupçonner personne, il lui fallut soupçonner tout le monde. Après tout, M. de Charlus l'aimait, avait bon cœur, mais c'était un névropathe. Peut-être demain pleurerait-il de le savoir malade, et aujourd'hui par jalousie, par colère, sur quelque idée subite qui s'était emparée de lui, avait-il désiré lui faire du mal. Au fond, cette race d'hommes est la pire de toutes. Certes, le prince Delhomme était bien loin d'aimer Swann autant que M. de Charlus. Mais à cause de cela même, il n'avait pas avec lui les mêmes susceptibilités. Et puis, c'était une nature froide, sans doute, mais aussi incapable de vilainie que de grandes actions. Swann se repentait de ne s'être pas attaché dans la vie qu'à de tels êtres. Puis il songeait que ce qui empêche les hommes de faire du mal à leur prochain, c'est la bonté. Qu'il ne pouvait au fond répondre que de natures analogues à la sienne, comme était à l'égard du cœur celle de M. de Charlus. La seule pensée de faire cette peine à Swann eût révolté celui-ci. Mais, avec un homme insensible, d'une autre humanité, comme était le prince Delhomme, comment prévoir à quels actes pouvaient le conduire des mobiles d'une essence différente? Avoir du cœur, c'est tout. Et M. de Charlus en avait. M. d'Orsan n'en manquait pas non plus, et ses relations cordiales, mais peu intimes avec Swann, nées de l'agrément que, pensant d'eux-mêmes sur tout, ils avaient à causer ensemble, étaient de plus de repos que l'affection exaltée de M. de Charlus, capable de se porter à des actes de passion, bons ou mauvais. S'il y avait quelqu'un par qui Swann s'était toujours senti compris et délicatement aimé, c'était par M. d'Orsan. Oui, mais cette vie peu honorable qu'il menait. Swann regrettait de n'en avoir pas tenu compte, d'avoir souvent avoué en plaisantant qu'il n'avait jamais éprouvé si vivement des sentiments de sympathie et d'estime que dans la société d'une canaille. Ce n'est pas pour rien, se disait-il maintenant, que depuis que les hommes jugent leurs prochains, c'est sur ses actes. Il n'y a que cela qui signifie quelque chose, et nullement ce que nous disons, ce que nous pensons. Charlus et Delhomme peuvent avoir tel ou tel défaut, ce sont des honnêtes gens. Orsan n'en a peut-être pas, mais ce n'est pas un honnête homme. Il a pu mal agir une fois de plus. Puis Swann soupçonna Rémy, qui, il est vrai, n'aurait pu qu'inspirer la lettre. Mais cette piste lui parut un instant la bonne. D'abord, Loredan avait des raisons d'en vouloir à Odette. Et puis, comment ne pas supposer que nos domestiques, vivant dans une situation inférieure à la nôtre, ajoutant à notre fortune et à nos défauts des richesses et des vices imaginaires pour lesquels ils nous envient et nous méprisent, se trouveront fatalement amenés à agir autrement que des gens de notre monde? Il soupçonna aussi mon grand-père. Chaque fois que Swann lui avait demandé un service, ne le lui avait-il pas toujours refusé? Puis, avec ses idées bourgeoises, il avait pu croire agir pour le bien de Swann. Celui-ci soupçonna encore Bergotte, le peintre, les Verdurin. Admira une fois de plus au passage la sagesse des gens du monde de ne pas vouloir frayer avec ces milieux artistes où de telles choses sont possibles, peut-être même avoué sous le nom de bonne farce. Mais il se rappelait des traits de droiture de ses bohèmes et les rapprocha de la vie d'expédient, presque d'escroquerie, où le manque d'argent, le besoin de luxe, la corruption des plaisirs conduisent souvent l'aristocratie. Bref, cette lettre anonyme prouvait qu'il connaissait un être capable de scélératesse, mais il ne voyait pas plus de raison pour que cette scélératesse fût cachée dans le teuf, inexploré d'autrui, du caractère de l'homme tendre que de l'homme froid, de l'artiste que du bourgeois, du grand seigneur que du valet. Quel critérium adopter pour juger les hommes ? Au fond, il n'y avait pas une seule des personnes qu'il connaissait qui ne pût être capable d'une infamie. Fallait-il cesser de les voir toutes ? Son esprit se voila. Il passa deux ou trois fois ses mains sur son front, essuya les verres de son lorgnon avec son mouchoir et, songeant qu'après tout, des gens qui le valaient fréquentaient M. de Charlus, le prince des Lômes et les autres, il se dit que cela signifiait, sinon qu'ils fussent incapables d'infamie, du moins que c'est une nécessité de la vie à laquelle chacun se soumet de fréquenter des gens qui n'en sont peut-être pas incapables. Et il continua à serrer la main à tous ses amis qu'il avait soupçonnés, avec cette réserve de pur style qu'ils avaient peut-être cherché à le désespérer. Quant au fond même de la lettre, il ne s'en inquiéta pas, car pas une des accusations formulées contre Odette n'avait l'ombre de vraisemblance. Swann, comme beaucoup de gens, avait l'esprit paresseux et manquait d'invention. Il savait bien, comme une vérité générale, que la vie des êtres est pleine de contrastes, mais pour chaque être en particulier, il imaginait toute la partie de sa vie qu'il ne connaissait pas comme identique à la partie qu'il connaissait. Il imaginait ce qu'on lui taisait à l'aide de ce qu'on lui disait. Dans les moments où Odette était auprès de lui, s'ils parlaient ensemble d'une action indélicate commise ou d'un sentiment indélicat éprouvé par un autre, elle les flétrissait en vertu des mêmes principes que Swann avait toujours entendu professer par ses parents et auxquels il était resté fidèle. Et puis elle arrangeait ses fleurs, elle buvait une tasse de thé, elle s'inquiétait des travaux de Swann. Donc Swann étendait ses habitudes au reste de la vie d'Odette. Il répétait ses gestes quand il voulait se représenter les moments où elle était loin de lui. Si on la lui avait dépeinte telle qu'elle était, ou plutôt qu'elle avait été si longtemps avec lui, mais auprès d'un autre homme, il eût souffert, car cette image lui eût paru vraisemblable. Mais qu'elle alla chez des maquerelles, se livra des orgies avec des femmes, qu'elle mena la vie crapuleuse de créatures abjectes, quelle divagation insensée, à la réalisation de laquelle, Dieu merci, les chrysanthèmes imaginés, les thés successifs, les indignations vertueuses ne laissaient aucune place. Seulement, de temps à autre, il laissait entendre à Odette que, par méchanceté, on lui racontait tout ce qu'elle faisait. Et, se servant, à propos d'un détail insignifiant mais vrai, qu'il avait appris par hasard, comme s'il était le seul petit bout qu'il laissa passer malgré lui entre tant d'autres d'une reconstitution complète de la vie d'Odette qu'il tenait cachée en lui, il l'amenait à supposer qu'il était renseigné sur des choses qu'en réalité il ne savait ni même ne soupçonnait, car si bien souvent il adjurait Odette de ne pas altérer la vérité, c'était seulement, qu'il s'en rendît compte ou non, pour qu'Odette lui dît tout ce qu'elle faisait. Sans doute, comme il le disait à Odette, il aimait la sincérité, mais il l'aimait comme une proxénète pouvant le tenir au courant de la vie de sa maîtresse. Aussi son amour de la sincérité n'étant pas désintéressé, ne l'avait pas rendu meilleur. La vérité qu'il chérissait, c'était celle que lui dirait Odette. Mais lui-même, pour obtenir cette vérité, ne craignait pas de recourir au mensonge. Le mensonge qu'il ne cessait de peindre à Odette comme conduisant à la dégradation toute créature humaine. En somme, il mentait autant qu'Odette parce que, plus malheureux qu'elle, il n'était pas moins égoïste. Et elle, entendant Swann lui raconter ainsi à elle-même des choses qu'elle avait faites, le regardait d'un air méfiant et, à toute aventure, fâché pour ne pas avoir l'air de s'humilier et de rougir de ses actes. Un jour, étant dans la période de calme la plus longue qu'il eût encore pu traverser sans être repris d'accès de jalousie, il avait accepté d'aller le soir au théâtre avec la princesse des Laumes. Ayant ouvert le journal pour chercher ce qu'on jouait, la vue du titre « Les filles de marbre » de Théodore Barrière le frappa si cruellement qu'il eut un mouvement de recul et détourna la tête. Éclairé comme par la lumière de la rampe, à la place nouvelle où il figurait, ce mot de marbre, qu'il avait perdu la faculté de distinguer tant il avait l'habitude de l'avoir souvent sous les yeux, lui était soudain redevenu visible et l'avait aussitôt fait souvenir de cette histoire qu'Odette lui avait racontée autrefois, d'une visite qu'elle avait faite au salon du Palais de l'Industrie avec Madame Verdurin, et où celle-ci lui avait dit « Prends garde, je saurai bien te dégeler, tu n'es pas de marbre. » Odette lui avait affirmé que ce n'était qu'une plaisanterie et il n'y avait attaché aucune importance. Mais il avait alors plus de confiance en elle qu'aujourd'hui. Et justement, la lettre anonyme parlait d'amour de ce genre. Sans oser lever les yeux vers le journal, il le déplia, tourna une feuille pour ne plus voir ce mot. Les filles de marbre, et commença à lire machinalement les nouvelles des départements. Il y avait eu une tempête dans la Manche. On signalait des dégâts à Dieppe, à Cabourg, à Beuzeval. Aussitôt, il fit un nouveau mouvement en arrière. Le nom de Beuzeval l'avait fait penser à celui d'une autre localité de cette région, Beuzeville, qui porte uni à celui-là par un trait d'union un autre nom, celui de Bréauté, qu'il avait vu souvent sur les cartes, mais dont pour la première fois il remarquait que c'était le même que celui de son ami M. de Bréauté, dont la lettre anonyme disait qu'il avait été l'amant d'Odette. Après tout, pour M. de Bréauté, l'accusation n'était pas invraisemblable, mais en ce qui concernait Mme Verdurin, il y avait impossibilité. De ce qu'Odette mentait quelquefois, on ne pouvait conclure qu'elle ne disait jamais la vérité, et dans ces propos qu'elle avait échangés avec Madame Verdurin et qu'elle avait racontés elle-même à Swann, il avait reconnu ces plaisanteries inutiles et dangereuses que, par inexpérience de la vie et ignorance du vice, tiennent des femmes dont ils révèlent l'innocence et qui, comme par exemple Odette, sont plus éloignées qu'aucune d'éprouver une tendresse exaltée pour une autre femme. Tandis qu'au contraire, l'indignation avec laquelle elle avait repoussé les soupçons qu'elle avait involontairement fait naître un instant en lui par son récit, cadrait avec tout ce qu'il savait des goûts du tempérament de sa maîtresse. Mais à ce moment, par une de ces inspirations de jaloux, analogues à celles qui apportent au poète ou au savant qui n'a encore qu'une rime ou qu'une observation, l'idée ou la loi qui leur donnera toute leur puissance, Swann se rappela pour la première fois une phrase qu'Odette lui avait dite il y avait déjà 2 ans. « Oh, Madame Verdurin, en ce moment, il n'y en a que pour moi. Je suis un amour. Elle m'embrasse. Elle veut que je fasse des courses avec elle. Elle veut que je la tutoie. » Loin de voir alors dans cette phrase un rapport quelconque avec les absurdes propos destinés à simuler le vice que lui avait raconté Odette, il l'avait accueillie comme la preuve d'une chaleureuse amitié. Maintenant, voilà que le souvenir de cette tendresse de Madame Verdurin était venu brusquement rejoindre le souvenir de sa conversation de mauvais goût. Il ne pouvait plus les séparer dans son esprit et les vit mêlées aussi dans la réalité, la tendresse donnant quelque chose de sérieux et d'important à ses plaisanteries qui, en retour, lui faisaient perdre de son innocence. Il alla chez Odette. Il s'assit loin d'elle. Il n'osait l'embrasser, ne sachant si en elle, si en lui, c'était l'affection ou la colère qu'un baiser réveillerait. Il se taisait. Il regardait mourir leur amour. Tout à coup, il prit une résolution.